AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, c'est de famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La Ford T met les ouvriers à la chaîne. Le 21 avril 1925, le quotidien L'Information financière, économique et politique publie une déclaration d'Albert Neuhaus, le ministre allemand de l'économie, qu'il vient de prononcer quelques jours plus tôt devant le Reichstag. Il présente la politique économique allemande et évoque, dans son discours, parmi les grands progrès, le taylorisme et ce qui est, selon lui, sa forme la plus récente, le fordisme, des phénomènes purement américains qui ne peuvent être transposés d'une façon systématique en Allemagne, dit-il. C'est la première fois que le lecteur français peut lire ce mot « fordisme » qu'il associe évidemment à Henry Ford, le célèbre constructeur de voitures. Allez, en voiture Henry. Un curieux homme, ce citoyen Ford, qui incarne la plus grande aventure industrielle du siècle. Ce n'est pas un inventeur génial, mais un fils de fermier, un homme pratique qui a les deux pieds sur terre. Un autodidacte, le type même du self-made man américain. Grâce à lui et quelques autres, l'Amérique est en train de devenir le plus grand producteur automobile du monde. Pourtant cet homme, qui adore les pique-niques et qui a la nostalgie du temps des pionniers, est un pur produit de l'Amérique agricole et puritaine du 19e siècle. Sous des dehors timides, il est dur, orgueilleux, autoritaire. Un père et un patron despotique. Despotique, c'est ainsi qu'est qualifié Henry Ford en 1976 dans l'émission des autos et des hommes. Bonjour Patrick Fridançon. Bonjour, Ford c'est effectivement un représentant de la région des Grands Lacs aux États-Unis, un fils de fermier qui est d'abord mécanicien, ensuite un ingénieur autodidacte qui devient ensuite un cadre supérieur dans l'électricité et qui se met à créer sa première voiture en 1896. Et c'est le même homme qui va faire quelques années plus tard l'achat d'une usine dans l'avenue Pickett. C'est une avenue avec un nom français, comme toute une partie de Détroit qui a des traces d'influence française et qui va faire son projet d'une voiture unique à bas prix. Cette voiture, contrairement à ce que dit Guillaume Erner, elle, pendant plein de temps, elle va avoir toutes sortes de couleurs. J'ai vu des Ford T rouges d'origine et elle ne deviendra noire que lorsque ses ingénieurs et lui s'apercevront que le noir sèche plus vite et que donc on gagne du temps et donc on gagne de l'argent et donc on gagne du prix en la rendant noire. Mais la formule est d'après coup. Mais le point essentiel, c'est que quand il veut cette usine et cette voiture unique, ben, ses actionnaires ne sont pas d'accord et il va passer un temps fou à bagarrer avec eux jusqu'à ce qu'ils le laissent faire. Et une fois qu'il aura réussi, il se débarrassera d'eux en les rachetant. Mais donc, qu'est-ce que il a comme révolution? Et ces révolutions automobiles, elles sont successives, elles ne sont pas programmées. Il y a d'abord, bon, ce véhicule robuste que vous évoquez, presque indestructible, qui est destiné à une clientèle de base qui sont les fermiers, qui vont soit au bazar, au saloon, soit à la grande ville pour acheter des fournitures, mais c'est qui roule n'importe où et très longtemps. Donc c'est la voiture unique à bas prix. Alors il n'est pas totalement le père de cette idée, c'est Holtz qui avait commencé dans cette voie mais qui n'avait pas poursuivi. Mais ça c'est 1908, la Ford T, telle que vous l'avez présentée. Plus il produit, plus il a de bénéfices, plus le prix baisse, mais il y a une révolution technique, c'est-à-dire pourquoi il arrive à répondre à cette demande extraordinaire. Et cela, on le voit quand on visite aujourd'hui l'usine de Piquette, qui est une usine sur 4 étages, qui ne paye pas de mine à l'extérieur, c'est que lui, ses ingénieurs et ses ouvriers qualifiés, ils passent beaucoup de temps à renforcer les métaux qu'on va utiliser, à chercher des machines qui sont des machines spéciales, qui remplacent les machines universelles progressivement, et à analyser les différentes étapes de la fabrication. C'est-à-dire que au lieu que ce soit les ouvriers qui se mettent à bouger, on voit apparaître des postes. Et on a donc une division du travail immobile. 1913, troisième révolution, c'est le début de la mobilité. C'est-à-dire que ce sont les pièces qui vont se mettre à bouger et qui vont s'aligner petit à petit sur l'ordre de fabrication. Mais pour ça, l'usine de Piquette avec ses 4 étages, ça ne marche plus du tout. Ford a acheté une nouvelle usine qui s'appelle Highland Park. Il va en acheter une autre après qui se rappellera Le Rouge. Et donc, c'est le travail à la chaîne. Et la dernière révolution, 1914, c'est le salaire à $5 par jour, c'est-à-dire le double du salaire courant sur le marché du travail des trois. Mais ce n'est pas un acte de bienveillance mirifique, c'est tout simplement le fait que, une fois que la chaîne a été installée, les ouvriers fuient. Et il y a donc un turnover massif. Et Ford se demande comment conserver ses ouvriers. Alors, il a 2 questions. Quels ouvriers? Ce sont une grande partie des ouvriers immigrés. Et on trouve aux archives Ford une annonce donnant des consignes qui est en 8 langues. Et il va créer un département sociologique qui va être destiné à l'alphabétisation, l'instruction. Mais ça n'empêche pas qu'ils s'enfuient. Et le seul moyen de les garder, c'est de leur donner un salaire beaucoup plus important. Et ce salaire, c'est la dernière révolution du Fordisme, c'est faire de l'ouvrier un consommateur de masse. Nous parlons de révolution, Patrick Fidanson. Et puis, il y a cette idée de processus, hein, ce mot que vous avez évoqué. On sent bien que tout cela se construit par étapes avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Alain Michel, bonjour. Bonjour. Nous parlons d'Henry Ford, né en 1863, et dans cette longue traversée qui vient d'être présentée. C'est vrai qu'il y a le parallèle à faire avec l'histoire même de l'automobile. Quand il commence, Patrick Fidanson nous l'a dit, dans ces années 1870, à construire des automobiles, c'est quoi? C'est à l'image de ce qu'on faisait alors, c'est-à-dire des pièces uniques, des automobiles de prestige? Alors, oui, je pense que effectivement, c'est le trait de génie de Henry Ford, c'est de s'être positionné sur un marché différent de celui de la voiture de luxe, hein, qu'on a vu, la voiture des pionniers, dont vous avez parlé hier avec Jean-Louis Loubet et ses collègues. Donc le choix, effectivement, est de se positionner différemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Henry Ford bénéficie d'un contexte industriel tout à fait bénéfique et qui est contemporain du développement de son entreprise, enfin de ses usines, hein, je veux dire, comme présenté par Patrick Fidanson. Et donc ce dispositif, c'est ce qu'on a appelé donc le système américain de fabrication, de production, et en fait qui permet de rassembler tout un ensemble d'éléments indispensables à la fabrication d'une automobile bon marché. Et alors, un des éléments de cette fabrication, c'est la possibilité de produire non plus des pièces uniques, comme ce qui a été montré hier, des pièces uniques qui en plus devaient être ajustées, pour pouvoir en quelque sorte être assemblé et créer le véhicule, la combinaison de pièces, de milliers de pièces que représente l'automobile. Et là, ce qu'il va développer, et ce qui va être possible de développer à son époque, c'est l'idée de produire, enfin d'assembler des pièces interchangeables. Eh oui, c'est ça, c'est cette réussite de Ford d'avoir réfléchi au mode de production. Je voudrais que vous nous apportiez des éclaircissements, car deux mots apparaissent sans cesse dans cette réflexion, le taylorisme de M. Taylor et le fordisme de M. Ford. Il y a une différence, déjà une différence chronologique. Taylor, c'est bien avant Ford, de quelques décennies. Bien sûr, mais c'est aussi une différence sociale. Taylor, ce sont les bonnes familles de Philadelphie. C'est pas un fils de fermier du Middle West. Taylor, c'est un ingénieur qui est un inventeur d'un acier très important, qui est un acier à coupe rapide, qui fait faire sa fortune. Et rien que ça, ça lui permet ensuite de s'établir à son compte et il devient un des premiers ingénieurs consultants. Et son idée, c'est d'organiser le travail de manière à l'accélérer et à augmenter la productivité. Mais ce qu'il fait, ça n'est pas seulement le chronométrage, c'est la préparation du travail. Donc c'est la séparation entre les bureaux où on planifie, on contrôle le travail et ensuite... le chronométreur qui, avec les contremaîtres, avec les directeurs d'usine, va appliquer tout ce qui a été inventé dans les bureaux. Donc, c'est extraire, comme on dit à l'époque, ce qu'il y a dans la tête de l'ouvrier pour le transporter dans les bureaux. Ford, c'est vraiment une vision à l'origine de l'usine dans son ensemble, comme un processus qui est héritier de l'armement, puisque c'est avec les fusils, avec les pistolets qu'ont été conçues les pièces interchangeables, et qui est aussi l'héritier du machinisme agricole, parce que il fallait quand même que tous ces engins agricoles gardent leur qualité, leur solidité, et Ford va faire des tracteurs. Et il va être connu pour ses tracteurs en Union soviétique après la Première Guerre mondiale. Ford, c'est aussi le recrutement d'experts. C'est-à-dire que la Forte serait inconcevable sans le choix dans Détroit et les environs d'ouvriers très qualifiés, d'ingénieurs, de cadres qui vont devenir une équipe. Mais c'est tellement une équipe que personne ne peut dire qu'il y a un inventeur de la Forte, personne ne peut dire qu'il y a un inventeur du travail à la chaîne. Il y a toutes sortes de légendes qui circulent et qui, par le cinéma, par la radio, par les livres de mémoire, s'attribuent la revendication, mais c'est un processus collectif. Et quand on visite l'usine de Piquette, on voit au quatrième étage le bureau d'Henry Ford, mais le guide vous explique qu'en fait, il n'était jamais dans son bureau. Il était tout le temps en train de se promener et dans l'usine et de parler à ses collaborateurs. Donc, il y a un homme qui a l'idée, qui a la sélection des personnes, qui a une vision du public, mais qui fait masse. Alain Michel. Oui, alors, donc c'est effectivement deux approches différentes hein, de l'organisation du travail. D'un côté, vous avez, donc Patrick l'a dit, un consultant qui, en quelque sorte, met en avant la meilleure façon de faire. Hein, donc, one best way, je dirais, l'idée c'est de dire aux autres comment il faut organiser bien le travail, avec une prétention universaliste. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que si ça marche chez lui, ça marchera ailleurs. C'est-à-dire, ça marchera ailleurs aux États-Unis, ça marchera ailleurs dans d'autres pays. Il suffit d'appliquer les méthodes. Bon, bien sûr, vous comprenez, ça ne marche pas. Et l'autre, par contre, Ford, et Patrick Fridançon l'a dit également, c'est un entrepreneur d'abord. Et en fait, c'est quelqu'un qui est au contraire en train de dire « Voilà comment j'ai fait ». et voilà comment j'ai réussi. D'accord ? Et donc, en fait, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait donner des recettes, c'est donner un modèle, en quelque sorte. Bon, et l'autre élément, alors, quand on prend ça du point de vue de l'histoire pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait effectivement, donc c'est sûr que Ford, Taylor, ce sont des références que tout le monde connaît. Bon, d'ailleurs, en quelque sorte, ce qui est intéressant, c'est que Taylor, par exemple, a été connu au moment de la grève, enfin en France en tous les cas, au moment de la grève du chronométrage, donc dans les années 1912-1913 aux usines Renault, c'est parce que justement on voulait appliquer les méthodes de Taylor à ce moment-là que les ouvriers, et pas n'importe quel ouvrier, des ouvriers qualifiés, ont dit non, qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Et du coup ça a en quelque sorte fait la publicité pour le système dont on ne voulait plus entendre parler. Donc ça, c'est la deuxième chose. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux hommes ne sont pas les seuls. Autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils font partie de tout un ensemble de mouvements. C'est-à-dire que énormément d'ingénieurs, énormément d'entrepreneurs, etc., se posent la question de comment organiser mieux le travail. Et donc, c'est ce qui fait dire à Ford, par exemple, enfin, en tous les cas, c'est ce qui fait que Ford refuse de considérer le travail à la chaîne qu'il met en place comme étant en quelque sorte une leçon du taylorisme. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il a beaucoup d'autres exemples autour de lui de personnes qui s'intéressaient à cette question d'organisation du travail. Et deuxième chose, lui, il estime qu'il a fait quelque chose de différent. Et c'est quelque chose de différent, effectivement. C'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, donc Patrick l'a bien montré, c'est la décomposition qu'on est en train de faire. Et on va dire, pour simplifier, pour le cas de ce qu'on appellerait le Fordisme, c'est la mécanisation. Vous voyez, en quelque sorte, la combinaison. C'est pas la même chose, mais ça se marie bien ensemble. D'un côté, nous avons un chronomètre, et de l'autre côté, une chaîne, et tout ça, bah, ça fait des voitures. La première chaîne de construction d'automobile à grande échelle vient de naître sous vos yeux. La grande aventure de l'automobile commençait et n'allait plus s'arrêter. Les années passaient, la chaîne se modernisait, et l'usine de Détroit allait bientôt occuper 75 000 personnes. La célèbre Tin Lizzie devait sortir à 15 millions d'exemplaires, chiffre record. Une voiture parfaitement tout-terrain, à n'en pas douter d'après ses premiers essais. C'est en 1963 qu'est présentée la première chaîne de fabrication automobile, 1963 tout simplement parce que nous sommes 50 ans après la mise au point par Ford de cette chaîne de montage. Patrick Fridançon, la Ford T, ce modèle T est créé en 1908. Il y a plusieurs années avant de mettre en place ce mode de production qui a fait le succès de Ford et qui a donné ce mot, le Fordisme. Cette voiture, qu'a-t-elle de particulier ? Vous nous avez dit qu'elle est robuste, elle est incassable. Oui, mais il y a aussi une question d'échelle. C'est-à-dire que la première année, on va en produire 10 000, quelque chose comme ça. En 1921, on en produit 900 000. C'est-à-dire que c'est complètement différent. Ensuite, je vais répondre à votre question, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas tout faire à Détroit, même en ayant des usines nouvelles. Et donc, à partir de 1909, Ford va créer des usines dans les autres États américains. Alors, c'est ce qui va être appelé en France, après la Deuxième Guerre mondiale, les usines décentralisées. Mais on est dans une industrie à l'origine de montage, et il va envoyer par le train ou par camion des quantités de composants pour assembler des Fordés les plus proches possibles de la clientèle. Et il va faire la même chose à l'étranger. Donc ça va être après les machines à coudre Singer, après les pianos Steinway, un des créateurs de l'entreprise multinationale. 1909, une première usine étrangère au Canada. Bon, ça, c'est pas très loin des Grands Lacs. Et 1911, en Angleterre, à Manchester. Et c'est dans ce quartier qu'aujourd'hui se trouve une équipe de foot particulièrement célèbre, Old Trafford. et première usine en Amérique latine, 1916, l'Argentine. Mais une dimension importante qui, elle, répond à votre question, il va intégrer. C'est-à-dire que, au lieu auparavant, comme le faisaient ses confrères, de rassembler des pièces qui venaient de partout, et ce qu'il a commencé par faire avant de faire le modèle T, il va considérer qu'il a de plus en plus à faire lui-même des parties de la voiture. Et ça, c'est un tournant massif, voiture unique et intégration croissante. Ça va prendre une forme qui a attiré l'attention de la littérature et des mouvements écologistes. Dans les années 20, il va même vouloir créer lui-même son exploitation DVA au Brésil pour avoir son propre caoutchouc et faire lui-même ses pneus. Et cette intégration, c'est un exercice extraordinairement difficile, c'est un exercice technique, c'est un exercice économique et c'est un exercice humain. Alors le caoutchouc et les EVA au Brésil, ça s'appelle Fordlandia, c'est un pur désastre écologique et ça ne marche pas. Et il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce que cette voiture pourrait être une voiture électrique comme beaucoup de voitures à l'époque en Europe et même aux États-Unis. Ford a un ami qui est un inventeur encore plus célèbre que lui, qui est Thomas Edison, et qui le lui suggère dès 1903. Et Ford estime qu'il ne sait pas faire. Donc il écarte ce souci, ce projet. Mais en 1914, quand tout est en place et qu'on est avec le salaire à $5 par jour devant un nouveau pilier de la société de consommation, il va lancer un projet de voiture électrique que j'ai fini par découvrir. Et simplement, il veut que ça soit fait, c'est quelqu'un de très rigide, on l'a évoqué, selon le modèle d'Edison. Et le modèle d'Edison, c'est un modèle inventif et de papier, mais ça ne marche pas avec l'usine qu'il a fait construire, Highland Park. Et donc, en décembre 1914, il abandonne la voiture électrique. Et donc, la Ford T restera quand même assez stable et à cette période est désormais assez noire. Voilà, parce que la Ford T, c'est le succès considérable qui masque des échecs que vous venez d'évoquer, par exemple les plantations de caoutchouc, alors la voiture électrique. Alain Michel, où en sommes-nous au même moment dans ces années 1910 en Europe pour la construction automobile? Ce sont d'autres modèles, mais il ne faut pas imaginer que les constructeurs automobiles européens sont restés complètement sur un schéma ancien d'artisanat de construire des voitures uniques. Il y a déjà là aussi la volonté de produire de manière plus efficace. Oui. Alors, c'est sûr, c'est pas au même rythme. C'est pas au même rythme, en particulier parce que le système industriel n'a pas les mêmes caractéristiques, entre autres, et parce que, en tous les cas, la clientèle qui est visée n'est pas la même. Je veux dire, dans les années 1910, qu'est-ce qui se passe? Les constructeurs s'intéressent effectivement, commencent à s'intéresser à ce qui se passe, enfin à ce qu'ils voient, enfin ce dont on leur parle aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle ils organisent toute une série de voyages, hein, de voyages d'études. Bon, et pour reprendre une entreprise que je connais bien, enfin que nous connaissons bien avec Patrick Frinançon, pour ce qui est de Renault, donc c'est le moment où Louis Renault donc prend le contrôle de l'entreprise familiale, hein, Renault Frères jusqu'à présent, et décide d'organiser effectivement un voyage en Amérique, 1911, un voyage en Amérique qui en fait, bizarrement, alors qu'il accomplit avec un ingénieur qui s'appelle Deram, hein, et au cours duquel en fait il visite tout un ensemble d'usines, et quand on regarde le rapport qui a été écrit par la suite par ce fameux de Rame, on se rend compte qu'il visite certes l'usine Ford, mais pas tant que ça. En fait, d'abord, il ne voit rien de particulier, parce que la chaîne n'existe pas encore, par exemple. Je pense qu'il l'aurait remarqué, mais 1911, on n'est pas encore à ce moment-là. Et surtout, il s'intéresse plus à des plus petites entreprises, parce que déjà, à cette époque-là, la quantité d'automobiles produites n'avait rien à voir. Et deuxième chose, il s'intéresse beaucoup aux usines, aux producteurs de machines-outils. Parce que autant il se rend compte qu'il ne peut pas appliquer forcément les modes de fabrication qui sont déjà en train de se développer chez Ford, entre autres à Pickett Avenue, autant il se rend compte que par contre les machines-outils qui ont des qualités absolument exceptionnelles de précision, par exemple, celles-là, il peut les acheter, il peut les intégrer dans ses usines, voire un petit peu les copier, les arranger, les adapter selon les besoins locaux. Patrick Fridençon. Oui, il y a deux choses que je voudrais ajouter. Il garde de sa visite chez Ford aussi un intérêt pour la comptabilité. Et il demande à pouvoir envoyer un comptable français étudier la comptabilité des usines Ford. Et ça décrit une dimension de Louis Renault extrêmement soucieux de rentabilité et une dimension de Ford. Et la prééminence des comptables va devenir un trait des années 20 et va devenir quelque chose qui va réduire Ford sur le plan d'innovation. C'est-à-dire que les comptables vont dire, mais un bureau de recherche et de développement, quel intérêt ça a, puisque vous fabriquez toujours le même modèle. Et lorsque Ford, dans les années 20, sera attaqué par General Motors, attaqué par le haut, il se trouvera sans possibilité de répliquer, faute d'avoir un bureau d'études. Donc, nous avons parlé de l'OS, personnage central des usines Ford, nous avons parlé des ingénieurs, mais les comptables, c'est le troisième pilier. Et un tout dernier mot, est-ce qu'il y avait une possibilité de bifurcation en Europe ? Moi, je soutiens qu'il y en a eu une que Louis Renault n'a pas suivie jusqu'au bout, qui a été le taxi. C'est-à-dire, en créant le taxi en 1905, on avait effectivement des véhicules robustes, identiques, mais il a créé autant de taxis que demandé par la première compagnie de taxi. Ça aurait pu l'amener plus loin, mais comme l'a dit Alain Michel, il est resté attaché à cette clientèle de bons bourgeois, d'aristocrates, de professions libérales. Et les comptables sont essentiels parce qu'on parle beaucoup des OS, les ouvriers spécialisés. Ça, c'est une chose, les ingénieurs. C'est bien les comptables qui disent faut pas de recherche et développement. Ils n'avaient rien compris à l'histoire. En tout cas, chez Ford, ça compte et ça pompe. Chez les Shadock, il y avait des machines à pomper soi-disant perpétuelles. Pas tellement perpétuel tout de même, car les Shadock moteurs étaient sujets à des faiblesses passagères ou même tout à fait définitives. Sans compter que ces Shadock-là, il fallait les alimenter, pas nécessairement en mets délicats, mais quand même. C'est donc que la mécanique intime Shadock n'était pas au point, disait-il. Ce qu'il leur fallait, c'était le moteur à pomper perpétuel qui non seulement ne s'arrêterait jamais, mais qui n'aurait besoin de rien pour marcher. Et ceci jusqu'à ad vitam aeternam, et même plus si possible. Claude Pieplu et les Shadock avec le moteur perpétuel. Il y a un modèle économique qui est intriguant avec Ford. La volonté de créer une voiture, la Ford T, résistante et résistante à tout. Nous sommes loin des modèles proposés aujourd'hui où nous savons que l'obsolescence est intéressante parce que ça permet de renouveler tout. Mais on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Le marché est neuf. C'est aussi important à souligner. Il y a tout le monde à équiper. Alain Michel, dans ce grand panorama du monde économique, de l'industrie de ce début du XXe siècle, pour Ford, le but, c'est de séduire cette classe moyenne américaine qui veut une voiture solide, pas trop chère, parce qu'il faut pouvoir se la payer sans se ruiner. En fait, il n'y a pas uniquement une lecture industrielle à faire d'Henry Ford, c'est aussi une lecture sociale. Il connaît bien sa clientèle. Il connaît bien sa clientèle, effectivement, mais d'un autre côté, il connaît bien ses intérêts. Je pense que il a des comptables. Il sait également que il est en train de trouver, enfin ça se prouve, il est en train de trouver un système qui, tout en réduisant le prix unitaire du véhicule, lui permet lui de d'augmenter ses bénéfices, en quelque sorte, d'augmenter sa fortune et de devenir en quelque sorte l'incarnation de la réussite américaine, je veux dire, donc le self-made man, etc., qui a été évoqué précédemment, et du coup en quelque sorte de trôner au sommet de son triomphe, en quelque sorte. C'est-à-dire que il a tous les éléments qui viennent prouver cette grande réussite personnelle par effectivement un calcul qui a été un calcul positif au bon moment. Alors ça, le problème, c'est que l'adaptation de la Ford T à sa clientèle, c'est quelque chose qui ne dure qu'un temps. Et effectivement, Patrick l'a invoqué en bas mot, mais enfin, on va développer ça. C'est-à-dire que 15 millions d'exemplaires du même véhicule, à peu près, hein, c'est quand même une réussite extraordinaire. Et à un moment, il se retrouve, il constate que sa clientèle ne le suit plus. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de ce véhicule robuste, identique à celui de son voisin. C'est-à-dire que l'Amérique, dans les années 20, donc l'Amérique glorieuse, etc., la clientèle veut de la diversité. Bon, toujours a des moyens un petit peu plus importants éventuellement pour se le permettre, mais veut renouveler ses véhicules en quelque sorte tous les ans, etc. Veut avoir un véhicule qui ne soit pas celui de son voisin. D'autant plus que d'autres entreprises ont saisi en fait l'évolution du marché à ce moment-là et du coup commence à concurrencer la disposition, enfin de ce qu'on pourrait appeler le premier fordisme. Oui, parce que c'est ça, il y a plusieurs étapes dans cette histoire-là, plusieurs fordismes, on peut dire, entre ses origines et puis le développement et l'adaptation au changement de contexte. Il est peut-être temps de laisser la parole à Henry Ford. Alors attention, Henry Ford, pas un, mais deux, c'est le petit-fils d'Henry Ford qui s'exprime en 1948. La paie moyenne d'un ouvrier des usines Ford est 1,70$ par heure. Pour une semaine de 40 heures, un ouvrier spécialisé gagne naturellement plus. Je voudrais me permettre de vous interrompre pour donner ce chiffre en francs français au cours officiel. 1,70$ représente 635 francs 50 et le pouvoir d'achat d'une heure de travail représente environ 10 paquets de cigarettes. Nous estimons que 35 à 40% des employés de la Ford Motor Company sont propriétaires de leur maison ou sont en train de les acheter. Presque tous les ouvriers possèdent leur propre voiture, comme presque tous les ouvriers aux États-Unis. Nous estimons que 60% de nos employés ont des frigidaires électriques dans leur maison. En outre, les employés de Ford et des autres entreprises américaines ont tous des appareils de radio. Ils ont bien raison. Comme ça, ils peuvent écouter le cours de l'histoire sur France Culture en 1948. Henry Ford II, le petit-fils d'Henry Ford. Patrick Fridançon, il n'y a pas de philanthropie au moment où Ford baisse le prix des voitures de façon à ce que tout le monde puisse l'acheter. Il veut s'enrichir. C'est pareil, c'est pas une forme d'humanisme d'augmenter le salaire de ses ouvriers. Non, mais il faut voir comment on prend contact avec cette société de consommation qui se bâtit. Et une des caractéristiques de Ford, c'est de changer le mode de vente. Auparavant, le vendeur vendait des voitures de toutes les marques. Et lui va chercher le concessionnaire qui est spécialisé dans Ford et spécialisé dans la Ford T. Et qui devient un ami, un partenaire des clients. Et lorsque va se développer après ce marché du neuf que Alain Michel a évoqué un marché d'occasion, c'est vers la même personne que l'on se dirigera et ça créera une autre source de bénéfices qui sont les pièces détachées, si possible d'origine, pour pouvoir réparer lorsqu'il y a besoin de réparer un de ces modèles tout à fait increvables. Mais si on se place dans les années 20, il y a cette conquête du marché par General Motors qu'a évoqué Alain Michel, et Ford perd beaucoup de temps à chercher comment faire un autre modèle. Et il n'y arrive pas, et il ferme son usine pendant des mois et des mois. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui apparaît comme tout à fait extraordinaire. Pour remettre l'innovation en place, il faut une structure, il faut des processus, il faut des personnes, et il s'arrête. Il crée un modèle qui n'a plus rien à voir, qui s'appelle le modèle A, et le modèle A ne va plus avoir le même succès que le modèle T. Et donc Ford va passer du premier rang historique au deuxième rang derrière General Motors. Mais l'avenir du Fordisme va se jouer dans le monde, en Europe et en Amérique latine. Et dans les années 30, il va se jouer de manière extrêmement forte en Union soviétique, et ensuite en Allemagne nazie. Et là, ça mérite de réfléchir. C'est-à-dire, il y a d'une part la question du modèle unique d'entrée de gamme. Et on va voir que ce sera, pendant longtemps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, un des points centraux d'accès à ce qu'on appelle à l'époque la civilisation mécanique. Mais ce qui est très frappant, c'est que en Union soviétique, Ford passe contrat pour construire une usine dans le centre de la Russie à Gorky en 1929. Elle va se créer en 1932. C'est donc en fait une alliance entre le populisme du Middle West américain et des pays qui veulent attaquer le modèle américain. C'est-à-dire que Ford est en même temps le fossoyeur possible de l'hégémonie américaine. Et ça va se reproduire quelques années plus tard, lorsque un ingénieur d'origine tchèque et allemande, Ferdinand Porsche, gagne le concours ouvert par Hitler pour une motorisation de masse. Et regardez cette situation. Porsche, en 1932, voyant que ses premiers projets de voitures de masse ne séduisaient pas les constructeurs allemands, est allé faire le tour de l'Union soviétique et a imaginé, pendant tout un temps, se mettre au service de l'Union soviétique et d'y rester. Et donc, il y a quasiment un succès des États illibéraux par rapport au fordisme qui en font une arme pour la paix, pour créer des marchés, pour créer une industrie, mais ce sera ensuite une arme pour la guerre. Et oui, parce que ce fordisme-là est applicable à d'autres secteurs que l'automobile. Restons en URSS avec Ilya Ehrenbourg, écrivain, journaliste, russe puis soviétique. Son ouvrage, « 10 chevaux vapeur ». Il est indiscutable que M. Citroën se préoccupe de ses ouvriers. Ses ateliers sont bien plus propres, bien plus clairs que ceux des autres. Mais l'automobile doit être bon marché. Monsieur Citroën paye cher ses machines américaines. Et les hommes, il les prend aujourd'hui et les renvoie demain. Des Bretons, des Méridionaux, des Arabes, des Russes, des femmes, des adolescents. Dans le fracas des presses gigantesques, les flocons de chair humaine volent. 33 doigts, ce n'est ni barbarie, ni légèreté d'esprit, ce n'est que l'abaissement des prix. Jeanne Delecroix dans le cours de l'histoire sur France Culture qui lit cet extrait de 10 chevaux vapeur. Paru en 1930, un ouvrage d'Ilya Ehrenbourg. Donc, depuis ce regard soviétique, un regard porté sur les usines Citroën, il y a Alain Michel dans cette histoire-là, une histoire évidemment mondiale, on l'entend bien, avec des paradoxes au moment de penser le travail à la chaîne. Est-il d'ailleurs accepté par les ouvriers? Vous nous avez évoqué le fait qu'en France, au moment où le taylorisme, c'est-à-dire le chronométrage, a voulu être instauré, ça s'est pas bien passé dans certaines usines. Pour la chaîne, qu'en est-il? Pardon. Pour la chaîne, ça dépend. Ça dépend à la fois des personnes et ça dépend des périodes. Pour rebondir sur l'exemple du taylorisme, le refus du taylorisme, 1913 s'ensuit la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre mondiale, il faut produire beaucoup, massivement, en particulier des obus. Et là, en plus avec une main d'œuvre dont une partie a été mobilisée sur le front, donc il faut appliquer quelque chose qui peut ressembler à du taylorisme. Et vous êtes dans un contexte complètement différent qui fait que cette réorganisation du travail, donc de travail de grande série, du coup est acceptable. Acceptable. Alors bon, jusqu'à certains points, vous savez que les munitionnettes, donc, puisqu'il s'agissait en partie d'elles, à un moment disent il faut pas exagérer, donc toute une politique sociale qui doit être développée par le gouvernement français, Albert Thomas en particulier, donc un socialiste, vous voyez, qui fait partie du gouvernement d'Union nationale. Donc en fait, ceci étant, vous avez quelque chose qui du coup est acceptable. Et la deuxième chose qui apparaît acceptable dans les journaux de l'entreprise Renault par exemple, c'est l'américanisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'Amérique rentre en guerre du côté des Alliés, du côté de la France, et du coup, ce qui se passe aux États-Unis, en particulier autour de Henry Ford, c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi ne pas copier? Pourquoi ne pas faire la même chose? Donc ça, c'est une première étape, vous voyez, où en quelque sorte, il y a un retournement d'appréciation générale. Bon, ce qui se passe, c'est que au début des années 20, avec le développement du Parti communiste, syndicalisme, etc., vous avez dans les revues syndicales de Renault, vous avez une contestation du travail à la chaîne. 1924, ça commence, il y a des cellules qui disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette américanisation-là » Vous voyez, on conteste ce qui avait été accepté pendant l'effort de guerre. Donc là, on commence à le recontester. Et là, il y a un phénomène assez étonnant qui s'opère. C'est, en quelque sorte, l'acceptation du travail à la chaîne par le Parti communiste et par la CGTU de l'époque. C'est-à-dire, ça a été la polémique qu'on appelait la chaîne et le parapluie. C'est-à-dire, en gros, vous avez un certain nombre de militants qui disent... Alors, par exemple, le camarade Maui... Hein, qui est un chaudronnier, donc un ouvrier qualifié, qui dit oui, mais le travail à la chaîne, c'est horrible, c'est épuisant, c'est lamentable, et d'abord c'est américain, etc. Ça va pas du tout. Et là-dessus, il y a une polémique pendant les congrès en fait de ces organisations avec Octave Rabaté qui dit oui, mais il faut pas confondre. La chaîne et la parapluie, la chaîne en quelque sorte, c'est comme l'eau, la pluie. On peut pas empêcher la chaîne de s'imposer, hein, parce que la chaîne, c'est du travail, de l'organisation scientifique du travail. Et d'ailleurs, c'est la même époque, Patrick Fridançon l'a dit, la même époque où, vous voyez, en URSS, on est en train d'appliquer le travail à la chaîne. C'est-à-dire que le travail à la chaîne, en quelque sorte, l'organisation scientifique du travail, apparaît comme quelque chose en soi de bien. Par contre, il faut avoir un parapluie pour se protéger des effets néfastes de cette organisation qui est bonne pour l'Union soviétique, mais qui est mal appliquée par le capitalisme. Vous voyez, donc en quelque sorte, vous avez une sorte d'unanimité qui s'opère autour de ce dispositif, mais qui va durer qu'un temps, parce que en fait, les récriminations vont se développer, et dans les années 30, enfin je donne pas la suite, dans les années 30, il va y avoir de nouveau un retournement de situation où ceux qui continuent, vous voyez, c'est pas parce qu'ils ont plus la parole, ceux qui continuent de trouver que la chaîne c'est quand même pas bien, en quelque sorte, vont de nouveau avoir la parole et, en quelque sorte, vont avoir des supports de communication, je dirais, enfin des moyens d'exprimer leur inquiétude, leur mécontentement. Patrick Fridançon. Oui, ce que je voudrais évoquer, c'est de quels ouvriers on parle. Et le travail à chaîne, le fordisme, ça déplace les ouvriers qualifiés. C'est-à-dire que les ouvriers qualifiés, ils vont se retrouver dans les ateliers d'outillage. Alors chez Renault, ça s'appelle l'atelier d'outillage central, et dans les structures de réparation. Donc il y a une polarisation des qualifications. Et tout autour, eh bien, il y a une masse d'ouvriers non qualifiés, semi-qualifiés, dans lesquels il y a beaucoup d'étrangers, de provinciaux et, le cas échéant, de femmes. Et cette polarisation, elle a été mise au jour en France par un grand sociologue qui vient de mourir, qui était Alain Touraine, parce que dans son diplôme d'études supérieures d'histoire soutenu en 1949, qui a été son premier livre, il a vu ces deux pôles, le pôle des qualifiés autour des machines de plus en plus importantes, de plus en plus perfectionnées et passant en direction de l'automatisme, et puis cette masse des OS. Donc là, il y a aussi le regard des sociologues en même temps que le regard des historiens qui sont à côté de vous, Xavier Mauduit. Et un regard auquel on pourrait associer celui des cinéastes. Section 5, give it the limit. Les temps modernes, le film de Charlie Chaplin en 1936. Alain Michel, ben voilà, ça, c'est un des vecteurs de contestation du travail à la chaîne que vous évoquiez pour les années 1930. Tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce film arrive à un moment tout à fait opportun de cette contestation. Il y a un moment de retournement de l'unanimité, en quelque sorte, autour de la modernité du travail à chaîne. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, enfin, je veux dire que tout le monde a vu. Mais si on l'a pas vu, faut aller le voir. Si on n'a pas lu, faut aller le voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce film, d'abord, montre une chaîne fictive. C'est-à-dire, aucune chaîne comme ça n'a existé au monde, même chez Ford. Mais Charlie Chaplin s'est inspiré de sa visite de l'usine de River Rouge qu'il a fait à peu près 10 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, il a le souvenir de ce qu'il a pu voir, et en quelque sorte, c'est la traduction. Donc, il voit ça 10 ans plus tôt, à une époque où il y a une sorte d'unanimité, hein, je vous l'ai dit, sur la modernité. Les entrepreneurs montrent, je veux dire, combien ils organisent bien leur chaîne, etc. Et vous voyez, vous avez un personnage qui voit ça, qui s'en souvient, et qui crée, en fait, je veux dire, le problème de Knot, je veux dire, l'écrou. Et en fait, il montre le côté à la fois ridicule, complètement déshumanisant de ce travail, de ce petit ouvrier, donc Charlot, hein, qui est à côté d'un grand gaillard, un autre ouvrier spécialisé comme lui, et chacun est en train de faire donc exactement le même mouvement, jusqu'à ce qu'il y ait un sable, du sable dans le mécanisme, ce qui fait que le rythme n'est pas tenu, et du coup, le rythme de la chaîne se prolonge sans que le travail ait été fait. C'est ce qu'on appelle le moment où l'ouvrier coule. C'est-à-dire, donc il coule. Alors, il a la possibilité de rattraper en allant un petit peu plus vite. Vous voyez, donc remonter la chaîne en quelque sorte. Et jusqu'à ce que donc ça, c'est ce qui était au début, là, on a montré. Le patron, donc le méchant, hein, dit à son adjoint d'augmenter la cadence. Donc la cadence est encore augmentée. Et du coup, ça devient tellement inhumain que c'est pas possible. Bon, et la suite, vous la connaissez. Je veux dire, c'est en fait, en quelque sorte, il devient. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Oui, il est avalé par la machine, et ensuite il part, c'est-à-dire le propre de la plupart des ouvriers spécialisés de cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils vont voir ailleurs, hein, je veux dire, puisque ce qu'ils vivent dans l'usine à ce moment-là leur paraît insoutenable. Avec un écho mondial évident à cette histoire que nous racontons, celle du fordisme ou celle de la chaîne, Patrick Fridançon. Deux autres caractéristiques. Des photos que nous avons vues, Alain et moi, à Détroit au mois de mars cette année, montrent qu'on va voir les ouvriers travailler. Et ces photos donnent des situations extraordinaires. On voit des dames de la meilleure société en tailleur chic, avec de jolis chignons, qui viennent regarder ces ouvriers qui créent la prospérité et la richesse sans lesquelles elles ne seraient pas là. Donc c'est aussi, de manière tout à fait surprenante, une société du spectacle. Et d'autre part, ces ouvriers de masse, comme ils vont être appelés en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut dire que, à défaut de qualifications reconnues, ils ne savent pas des choses? Et les historiens, les sociologues, et d'abord les ouvriers et les ouvrières eux-mêmes, ont montré qu'il y a une connaissance, il y a un savoir et il y a même une autonomie ouvrière. Et donc il y a ce rêve de l'ingénieur de l'époque qui est de vouloir tout contrôler, tout encadrer par la machine, par les règles et par des affiches qui sont dans l'usine. Et en même temps, il y a quelque chose d'irréductible qui est la personnalité ouvrière, qui est assurément la peine ouvrière, mais qui est le fait que dans cet océan de machines et de règles, il y a aussi des hommes qui pensent. Important, et merci vivement Patrick Fridençon de souligner cette personnalité des ouvriers, des ouvrières, à côté de cette autre grande personnalité, cette figure, mais qui ne peut pas tout résumer, Henry Ford, qui meurt en 1947 à l'âge de 83 ans. Henry Ford est mort. Ses ouvriers sont venus en masse rendre un dernier hommage au patron qui, parti de rien et par sa seule énergie, créa la voiture de série et réalisa une fortune considérable. Ford, un nom qui entre dans la légende. En 1947, les actualités françaises annoncent la mort d'Henry Ford. Patrick Fridençon, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez co-dirigé notamment Concurrence et marché, droit et institutions du Moyen-Âge à nos jours. Tous vos travaux sur cette histoire automobile à retrouver sur le site Le Cours de l'Histoire franceculture.fr. Et vous, Alain Michel, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Évry, Paris-Saclay. Dans cette histoire-là, il y a des grandes figures, il y a Henry Ford, il meurt en 1947, quelle image laisse-t-il? Est-ce que c'est un homme détesté ou est-ce que ça reste encore cette grande figure qu'il s'est construite en partie, celle de la réussite américaine? Mais on a quand même découvert un certain nombre d'aspects. C'était un antisémite forcené dans les années 20 et on ne peut pas évacuer cette dimension de son personnage. Et Ilya Ehrenburg, lui, était un juif ukrainien. Et il faut en parler. Mais c'était aussi quelqu'un qui a réagi d'une manière très violente aux crises. En 1929-1930, il a licencié 84% de son personnel avec la crise des années 30. Et en 1936-1937, quand il y a eu les occupations d'usines aux États-Unis, il a demandé à un de ses adjoints, Harry Bennett, de créer une police intérieure avec des matraques et qui s'est mise à attaquer les ouvriers. Alors, bien entendu, en 47, le patron meurt et ça reste loin derrière, mais ça a été aussi un homme de brutalité et de répression et parallèlement, quelqu'un qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a créé des Liberty Ships, c'est-à-dire les bateaux avec lesquels a été fait le débarquement en France. Donc, pour moi, c'est une image plurielle. Image plurielle. Alain Michel, je vois que vous avez pris entre vos mains l'ouvrage d'Huxley, Le meilleur des mondes. Oui, c'est un petit peu sur la dimension mythique, justement, du personnage. Le fait que, dans un ouvrage de 1932, vous voyez, une dystopie en quelque sorte. On prenne la mise en place de la Ford T comme étant le début d'une ère nouvelle, etc. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est que d'abord, ça a été dans les esprits, dans les textes, mais pas forcément dans la réalité. Et deuxième chose, c'est que derrière ça, et je crois que Patrick Fridançon l'a déjà dit, il faut pas oublier les hommes qui ont participé à la fois à cette construction et qui en ont subi quelquefois les conséquences. Et certains dont le nom est oublié, mais que l'on peut redécouvrir grâce aux travaux des historiens, des historiennes. C'est le cas de Pierre Béziers. C'est l'homme des courbes, des surfaces, etc. Une biographie industrielle que vous publiez chez Classique Garnier. Alain Michel, merci. Vivement à vous deux, Patrick Fridançon et Alain Michel, de nous avoir présenté la Ford T, Henry Ford, les conséquences de tout cela, et avec une pensée pour, quand même, tous ceux et toutes celles qui ont fait que ça a marché, les ouvriers, les ouvrières. Merci vivement à tous les deux. Bah, tenez, on laisse la parole à un spécialiste du monde ouvrier, chez Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les Vikings ont-ils pu traverser l'Atlantique Nord sans carte ni boussole? Il est prouvé que des Vikings, principalement norvégiens, à la faveur des courants, des vents et des saisons, ont atteint les îles Shetland. Ils ont continué dans l'Atlantique Nord vers les îles Féroé, où ils auraient abordé au cours du 9e siècle. Vers 860, ils ont découvert l'Islande, avant d'apercevoir le Groenland, où ils se sont installés à la fin du 10e siècle. De là, ils ont vogué encore plus loin, vers l'ouest, atteignant, sans doute vers l'an 1000, les côtes de l'Amérique du Nord-Est, près de 5 siècles avant la découverte de l'Amérique centrale par Christophe Colomb. La question à laquelle les historiens ont tenté de répondre, depuis fort longtemps, concerne les procédés de navigation en pleine mer ayant permis aux Vikings des déplacements sur de si longues distances alors qu'ils ne disposaient ni de cartes, ni d'itinéraires écrits, ni de boussole. Plusieurs spécialistes ont affirmé que les Vikings avaient inventé des instruments de navigation leur ayant permis de mieux s'orienter sur l'océan. L'exemple le plus souvent cité est celui de la pierre de soleil, un cristal polarisant la lumière. D'autres ont privilégié le compas solaire, découvert par un archéologue au Groenland en 1948. Mais aucune preuve concluante n'a été apportée concernant l'usage de ces instruments par les Vikings. Voilà pourquoi on estime plutôt aujourd'hui que ce sont les connaissances empiriques approfondies, fondées essentiellement sur l'observation attentive et naturelle, sans instruments perfectionnés, qui leur ont permis d'aller toujours plus loin. C'est ce qu'on appelle la navigation à vue ou au jugé. Non seulement les Vikings possédaient de bonnes connaissances astronomiques, mais ils savaient aussi interpréter les indications que leur fournissait leur environnement. Depuis la plus haute antiquité, l'observation des oiseaux de mer était une méthode d'orientation employée par les marins du monde entier. Lorsqu'ils apercevaient des oiseaux, ils pouvaient en conclure que la terre n'était pas loin, car les oiseaux avaient besoin de la terre ferme pour se nourrir, se reproduire et alimenter leurs petits. Les Vikings avaient aussi certainement remarqué que les cétacés et les oiseaux migrateurs se dirigeaient vers le nord en été, car les mers froides de l'Atlantique Nord sont très productives en nourriture, vu leur oxygénation par agitation et leur basse température. Dans cette partie de l'Atlantique Nord, la navigation à vue faisait aussi appel à d'autres moyens naturels. L'Islande étant une île volcanique, les Vikings pouvaient se repérer grâce aux fumées des volcans montant en colonnes de plusieurs kilomètres de haut. Ils observaient aussi soigneusement la direction des vents, comme le montrent les girouettes au sommet des mâts et des proues de leurs bateaux. Au total, il semble que les véritables instruments et les symboles de leur extraordinaire pérégrination dans l'Atlantique Nord, ce fut leur fameux bateau, d'une qualité et d'une rapidité redoutables. Pour de nombreux experts, les navires vikings furent les meilleurs construits en Europe durant cette période.